Je suis bien placé. Si je vais à Auxerre? Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je vais à Nevers? Oui, réponse C. Non, réponse D.